nom de remède. Et lorsque tu soupires, si je m'en aperçois, je ne peux plus sourire. Mais quand tu chantes, ma vie s'enchante, toi et moi. Nous vivons hors du monde, notre joie. Et dans chaque seconde, la fleur ne peut pas vivre sans l'azur du jour, ni moi sans toi, mon amour.